tu m'as l'air inaccessible. Parle-moi de toutes tes peurs. Pourquoi tous ces changements d'humeur? J'ai l'impression de te faire fuir. Ne vois-tu pas que de toi, que de toi, que de toi? J'ai compris tes détours à pas de velours. Je te